Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le MAG sur Radioactive. Aujourd'hui, on va parler de l'actu d'un musicien tourangeau qu'on suit depuis ses débuts il y a un petit peu plus de 10 ans. Si je vous dis chanteur, guitariste, beatboxer et compositeur, si je vous dis qu'on le distingue par sa capacité à créer, performer en solo, en intégrant guitare, batterie, basse, clavier et voix grâce à des loops et du sample, si je vous dis aussi qu'il a fait la première partie de Lenny Kravitz, par exemple, vous me direz Jekyll Wood, évidemment. Alors, figurez-vous qu'il est là avec nous. Enfin, plus précisément, sa voix est avec nous puisqu'on l'a au bout du fil. Salut Jekyll. Salut, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, on va commencer par la petite formalité du moment, à savoir te souhaiter une belle et heureuse année. Oui, ben meilleurs vœux à tout le monde pour 2025 également. On parle toujours de Lenny Kravitz, mais nous, on te suit depuis un petit moment. Et tu avais joué pour nous sur le festival Les Courants. Si tu te souviens, oui. C'était en 2018. Ouais. Et là, tu avais dû faire la première partie, je pense, de Massilia Sound. Ouais, quelque chose comme ça de mémoire, ah effectivement. Oui, hein. Ouais. Oui, hein. Il n'y a pas qu'à Tours qu'il y a des beaux événements. Ouais. Bien sûr. Alors, tu vas présenter ton album Triptyque lors de ton concert à la Grange de Luynes ce samedi 18 janvier, ce sera 20h30. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette mouture, puisque tu as choisi de diviser cet album en trois parties? Qu'est-ce que cette structure apporte à l'ensemble du projet, en fait? Disons qu'au départ, c'était un projet un peu sur le long terme, c'est-à-dire que j'ai commencé à composer les premiers morceaux de cet album un peu pendant la période Covid. Mm-hmm. Et en fait, l'idée, c'était de pouvoir sortir les morceaux au fur et à mesure, parce qu'à l'époque, c'était assez assez mort en termes de spectacle vivant, si on se souvient. Et donc, du coup, j'avais commencé à sortir les morceaux sur les plateformes les uns après les autres. Et en fait, j'avais travaillé ça un peu comme une série. Mm-hmm. Et donc, j'avais partitionné ça, on va dire, en trois parties. Trois saisons, trois chapitres, tout dépend comment on voit la chose. Et donc le troisième chapitre est sorti il n'y a pas longtemps. Et donc l'aventure triptyque est désormais conclue. Et donc voilà, maintenant il reste à faire vivre tout ça en live. Alors justement, la formule que tu vas adopter ce samedi, c'est une formule Xtend. Qu'est-ce qui la distingue de tes précédentes performances sur scène? Eh bien, cette formule, c'était pas spécialement voulu comme ça, mais comme le triptyque, ça va se passer avec autour du nombre 3, du chiffre 3, puisqu'en fait, je vais être en trio avec un batteur, Mogan Cornebert, et un bassiste, Denis, qui me rejoignent dans l'aventure, puisque sur 2025, l'idée, c'est de proposer un travail autour de Jekyll Wood, enfin voilà, une formule qui serait plutôt en version groupe, en fait, pour aller chercher un petit peu d'autres choses. Et créer de nouveaux sons, de nouvelles sonorités, de nouvelles énergies, et tout ça. C'est un petit peu le projet de l'année. D'accord. Alors justement, depuis tes débuts avec Only Son, c'était en 2013, tu as été sur plusieurs terrains, plusieurs styles musicaux. Comment tu décrirais l'évolution de ta musique jusqu'à justement ce triptyque? Ouais, mais j'aurais du mal à la décrire tant l'évolution, tant j'ai du mal à décrire ma musique même parfois. Je pense que je suis parti de quelque chose qui était assez groove, assez folk, assez acoustique au départ, pour me diriger un peu plus vers des sonorités un peu indie-pop, indie-rock, on va dire. Quelque chose d'un peu plus posé aussi, d'un petit peu plus intime dans l'émotion, un petit peu plus sombre peut-être aussi. En étant passé par une phase à l'époque de l'album Who You Are, donc en 2018, quand j'étais venu au courant. Une phase qui était peut-être un peu plus rock, plus énergique. Donc les choses évoluent un peu comme tout le monde. Et puis le travail continue d'aller dans cette direction, notamment avec cette nouvelle formule en groupe maintenant pour aller chercher encore d'autres choses. Est-ce que tu serais capable de nous dire la chanson de ton répertoire que tu as particulièrement à cœur, tout répertoire confondu? C'est une question difficile. Ouais, c'est une question hyper difficile, ça va dépendre des moments en fait. Il y a des moments où j'ai des morceaux qui sont uniquement en guitare-voix, j'ai un morceau qui s'appelle Cliché. Qu'on a beaucoup passé nous sur nos ondes. Into the town alone. un morceau qui me tient beaucoup à cœur, que je chante avec beaucoup, beaucoup d'émotion et il se passe beaucoup de choses en moi quand je chante ce morceau sur un registre, voilà, très, très, très, très dans le tempo. Oui, et puis elle est au-delà de la technicité, elle appelle quelque chose en moi qui est vraiment très une forme de fragilité et c'est un travail qui est super intéressant à faire. C'est un chant qui est super chouette à chanter, à prendre complètement, à incarner, quoi. Et c'est, ça, c'est vraiment cool. Et après, bah, j'ai des morceaux qui vont être dans une démarche, on va dire, un petit peu plus bonne vibes, un petit peu plus happy, que je prends beaucoup de plaisir à jouer aussi, parce que on est sur quelque chose d'un petit peu tendu, quelque chose d'un peu... Je pense à des morceaux comme 13, par exemple, qui est le premier morceau de Somme Triptyque, voilà, qui a quelque chose d'assez groove et puis d'assez entraînant. Et puis il y a un morceau comme Friends Don't Lie aussi que j'adore, parce qu'il a, il est un peu entre les deux, justement. Il a ce côté groove mais très très posé, très très il se tient, il avance, il a une forme de sensualité aussi. Bon voilà, il y a plein de choses toujours, et j'ai toujours beaucoup de mal à choisir. Je crois que j'ai un problème avec le choix de toute façon, de manière générale. Donc ça se ressent sur là ce que je dis, puisque vraiment je peux trouver autant de plaisir à chanter différents morceaux dans différents registres. J'en ai pas un qui est ma préférence absolue. Je crois pas. C'est l'état d'âme du moment qui fait que. Ouais, c'est ça. Ça va dépendre de comment je suis. Si je suis dans un moment vraiment extrêmement jovial, ou si je suis dans un moment un petit peu plus tranquille, solitaire, voilà. Et si on devait te demander un de tes meilleurs souvenirs de scène, par exemple, jusqu'à présent, est-ce que ce serait plus simple à décrire? Pas forcément. je suis désolé, je suis comme ça. Non, mais évidemment, le souvenir de la première partie de Kezia Jones est quelque chose de très très fort. Parce que c'était une première, parce qu'il m'a permis de me confronter à un public massif d'un coup et qui génère une espèce de petite étincelle à l'intérieur là qui fait exploser un peu les choses et qui m'ont marqué, enfin qui m'a marqué en tout cas. Et puis aussi parce que ça ouvrait derrière comme possibilité d'avoir fait cette première partie, bah c'était d'autres concerts, c'était d'autres d'autres opportunités. Donc en fait, il y a plein de choses qui se mélangent dans ce souvenir-là. Et je vais te faire la même réponse que sur la question précédente. Il y a des petites salles où on était vraiment dans des trucs très très intimistes avec très peu de personnes et où il s'est passé des moments magnifiques. Mmh. Je me souviens très bien d'un concert à Semur en Auxois, quelque part au centre de la France, où on devait jouer sur une scène extérieure et puis à cause du temps, on s'est retrouvé dans un théâtre, un petit théâtre qui était magnifique là-bas. Et en fait, la soirée était juste incroyable. Il s'est passé un truc avec le public sur une petite jauge avec tout le monde, on était tous ensemble et c'était fabuleux. Donc là aussi, je vais apprécier, voire je vais avoir même des très très bons souvenirs, des très bons moments de concert, que ce soit dans des petites salles, des petites jauges avec un public qui est à mes pieds, et puis des scènes un peu plus importantes, voire presque un peu immenses, avec une foule massive et quelque chose où on va être plus sur l'énergie vraiment. Voilà, c'était. Et là, en l'occurrence, dans un espace comme la Grange à Luynes, donc ce samedi 18, on est sur une jauge plutôt intimiste. Oui, on est sur une jauge de 150 personnes, je crois. Donc on est plutôt sur une petite jauge et ça me va très bien parce que ça va être la première de cette nouvelle formule en groupe. Ça va être la première fois qu'on joue tous les trois devant un public. Ça va être une première depuis un petit moment là que j'ai pas joué à Tours. Enfin, en tout cas dans les environs, on va dire. Dans la région Tourangelle. Et ouais, je suis très content de cette date parce que justement, on va pouvoir se retrouver en un peu un petit comité, on va tous pouvoir se regarder dans le blanc des yeux et je vais pouvoir aller chercher des choses avec cette formule en trio, un peu plus dans l'interprétation, dans les choses comme ça, parce que l'intérêt de cette formule aussi, c'est le choix un petit peu moins dans le bouclage et dans tout ce que je faisais avant avec les Loop Station, et que je délègue un peu cette partie-là à mes camarades, et que moi je sois plus sur une autre approche, une approche plus d'interprétation, de chant, de d'intensité, voilà. Donc ça peut être cool, cette petite jauge-là, je suis impatient. D'autant qu'après, c'est le départ pour l'Angleterre, me semble-t-il. À peu de choses près, oui. Il y aura un petit passage par le bateau Yves en première partie de Daran, là, à la fin du mois de janvier. Ah, mais oui, bien sûr. À Tours, et puis là même le lendemain à Roya, en Auvergne, je crois. Et après, effectivement, une petite semaine en Angleterre pour aller faire quelques concerts là-bas. Deuxième fois que j'y vais, et je suis très impatient aussi, parce que la première fois, j'en garde un très très bon souvenir. J'aurais pu citer ça aussi dans les bons souvenirs de concerts dont on parlait tout à l'heure. parce que une culture différente, des gens différents, et puis une langue différente, et en fait, tout un tas de choses qui se sont passées aussi, qui étaient super. Bon, tu fais bien de te rattraper parce qu'ils écoutent Radioactive, justement, donc c'était important que tu puisses le préciser. Ah, bien sûr. Oui, parfait. Où est-ce qu'on peut retrouver toute ton actu, les dates, en dehors de notre antenne, bien sûr, commander les sons, notamment un magnifique vinyle qu'on peut se procurer? Ouais, tout ça se passe sur jekyllwood.com, le site internet, et puis après, les réseaux, Insta pour commencer, Facebook, et puis... YouTube, il y a des choses à écouter, à voir, et puis après toutes les plateformes de streaming pour ceux qui veulent écouter du son directement dans leurs appareils hi-fi, Deezer, Spotify, tout ça. Ok, super, et eh bien peut-être te laisser la parole pour dire un petit mot à tes fans avant ton concert à Luynes ce samedi 18 janvier à 20h30. Il est d'ailleurs conseillé sans doute de réserver sa place si c'est une petite jauge. C'est une bonne idée de réserver. Petit message pour les gens qui m'écoutent, qui me suivent. Je suis impatient de vous retrouver, vraiment. Je suis impatient de vous faire découvrir cette nouvelle formule, cette nouvelle énergie, cette nouvelle chose qui va en sortir. J'y crois vraiment beaucoup. Je pense que ça peut apporter vraiment beaucoup de choses à ce que j'ai pu faire avant. Et j'espère ouvrir plein de portes et j'espère qu'on va passer vraiment un super moment. Donc rendez-vous à tout le monde à la Grange. Eh bien, c'est noté. Merci. On se retrouve donc samedi à la Grange de Luynes. Et je te propose qu'on se quitte avec The Answer. Allez, c'est parti. C'est parfait. Parti. Bye. À bientôt.